Comment direz-vous « je ne pense pas qu'ils viennent » ? No pienso que... Pienso. Pienso. No pienso que... Qu'ils viennent. Hein? C'est un verbe gogo qui devient don. Gaga. C'est qui donne. Que venga. Que venga. Que venga. Que venga, c'est ça. Hein? Donc, là, on a un élément de doute. Alors, comme en français, on emploie le subjonctif. No pienso, hein? Je ne pense pas, que venga, qu'ils viennent. Hein? Alors que si, au contraire, vous voulez exprimer une certitude, par exemple, je sais qu'il vient, comment direz-vous ça? C'est... C'est que viene. C'est ça. Hein? Là, c'est une affirmation. Donc, on emploie l'indicatif. Je sais qu'il vient. C'est que viene. Ou, je suis sûr qu'il vient. Estoy seguro de que viene. En espagnol, on dit, je suis sûr de que. Hein? Estoy seguro de que viene. Je suis sûr qu'il vient. Mais, alors, si on revient à l'expression de l'incertitude. Donc, je ne suis pas sûr. Hein? No estoy seguro. Ou, au passé, no estaba seguro. Voyons, en français, de la même manière que vous dites « je ne suis pas sûr qu'il vienne », vous direz « je n'étais pas sûr qu'il vienne ». Exactement, hein, qu'il vienne. Donc, normalement, en français, on ne dira pas « je n'étais pas sûr qu'il vint ». Hein? Non, on se contentera du subjonctif présent, « qu'il vienne ». Je n'étais pas sûr qu'il vienne. C'est-à-dire la même forme que après, je ne suis pas sûr. Par contre, en espagnol, après un verbe au passé, il va obligatoirement falloir utiliser le subjonctif imparfait. C'est-à-dire ces formes qu'en français, on n'utilise pratiquement plus. Hein, que je vinsse, qu'il vint, etc. Et c'est pour ça qu'il faut savoir utiliser le subjonctif imparfait espagnol. C'est-à-dire les formes tirées de la forme en ron du passé du point. Alors, par exemple, comment direz-vous, hein, vous, un homme, je ne suis pas sûr qu'il soit là. Littéralement, je ne suis pas sûr de qu'il soit là. No estoy seguro de que esté allí. C'est ça. No estoy seguro de que esté allí. En espagnol, comme en français, on utilise le subjonctif présent. Qu'il soit, que esté. Mais, si la première partie de la phrase est au passé, c'est différent. Par exemple, en français, on dira normalement « je n'étais pas sûr qu'il soit à la maison ». En espagnol, on ne va pas dire « qu'il soit, hein, que esté », mais « qu'il fut », hein, subjonctif imparfait. C'est-à-dire que si la première partie de la phrase est au passé, la deuxième partie de la phrase, qui dépend de la première, va aussi être au passé, dans ces cas-là, au subjonctif imparfait. Donc, no estaba seguro de que estuviera. Tout à fait, hein? Que estuviera. No estaba seguro de que estuviera allí. Et maintenant, revenons à une phrase au présent. Par exemple, comment direz-vous « je ne pense pas qu'il soit marié » ? No pense... pienso que... No pienso que... Oui, hein? No pienso que... Qu'il soit marié. Marié, c'est-à-dire casé. Hein? Ça vient de casa, la maison. Casado. Casado, hein? C'est ça. Alors, no pienso qu'il soit marié. Que esté casado. C'est ça. No pienso que esté casado. Je ne pense pas qu'il soit marié. No pienso comme je ne pense pas, c'est du présent. Alors, après, on emploie le subjonctif présent, que esté casado, qu'il soit marié. Mais, alors, maintenant on va parler au passé. Je ne pensais pas qu'il était marié. En français, dans le langage courant, on ne dit pas qu'il fut marié, mais qu'il était marié. Donc, on n'emploie pas le subjonctif. En espagnol, Par contre, on va l'utiliser. On va utiliser le subjonctif. Tout comme on utilisait dans la phrase au présent « No pienso que esté casado ». Mais là, comme la première partie de la phrase est au passé, « Je ne pensais pas », on va devoir utiliser le subjonctif imparfait dans la dernière partie de la phrase. Alors, « Je ne pensais pas qu'il était marié ». Je ne pensais pas. No pensaba. No pensaba, d'accord, qu'il était marié. Donc, maintenant, on utilise le subjonctif imparfait, qu'on obtient à partir de la forme un. Ron. C'est ça. La forme du passé du point un ron, donc, je ne pensais pas, no pensaba, qu'il était marié. Que. Que estuviera. C'est ça, hein? Tout à fait. Que estuviera. No pensaba que estuviera. Je ne pensais pas qu'il était marié. Casado. D'accord. Alors, encore une fois. Je ne pensais pas qu'il était marié. No pensaba que estuviera casado. Bien. No pensaba que estuviera casado.